Bonjour à tous, nous sommes un collectif d'éducation populaire et nous sommes en train de nous demander si vous n'auriez pas des sujets à nous proposer, de quoi discuter ici sur la place. Alors s'il y a des sujets qui vous intéressent et que vous trouvez qu'on n'aborde pas assez, eh ben profitez de l'occasion, nous lançons la discussion ici sur la place, à Ménilmontant, près du métro. Donc, n'importe quelle thématique de société, d'écologie, ce que vous voulez discuter, c'est un espace de parole ouvert. Et donc, il s'agit de faire l'expérience, de voir si on a peur ou non de s'exprimer en public. Et finalement, ça ne mange pas de pain et on peut discuter de ce qu'on veut finalement et mettre un peu ses idées en réseau et essayer de voir un petit peu ce qui sort d'une discussion improvisée au hasard. Et donc, nous n'avons pas de thème aujourd'hui, donc on vous propose, dans le public et parmi les gens qui passent, de proposer un thème de discussion. On veut voir si c'est possible de commencer à parler d'une chose à partir de ce que nous proposent les gens dans la rue. Donc, on tente l'expérience, on ne sait pas si ça peut marcher. Peut-être, vous avez un bonjour, vous avez un sujet de discussion peut-être à nous soumettre? Bonjour. Je ne sais pas, moi j'aime bien tout ce qui est l'espace, l'univers, les étoiles, les galaxies. Je ne sais pas si ça vous intéresse aussi. Alors pourquoi pas? Alors là, je redis ce que vous venez de dire. Donc vous proposez de discuter de l'univers, des étoiles et des galaxies. Alors est-ce que vous pourriez peut-être pour nous aider à lancer la discussion, nous dire ce qui vous plaît, vous, à regarder les étoiles, les galaxies? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours plu ou qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Je pense que depuis que je suis toute petite, ça m'intéresse. J'observais les étoiles avec mon grand-père quand j'étais toute petite. Et jusqu'à aujourd'hui, ça m'intéresse. J'aime bien voir jusqu'où va l'univers. Je sais que ça n'a pas de limite. Du coup, ça m'intéresse chaque fois qu'il y a une nouvelle découverte avec des galaxies, des nouvelles formes de vie qui pourraient exister sur l'une des planètes. Effectivement, depuis très longtemps, on se demande bien ce qui se passe loin dans les étoiles. Et c'est vrai que on s'est toujours posé la question de savoir, dans les temps anciens, en fait, on imaginait que c'était des créatures comme des scorpions ou comme en fait, les signes du zodiaque. En fait, on y voyait en fait. Un peu des choses qu'il y avait sur la Terre. Et on s'est toujours demandé quelle était notre place sur Terre à partir de l'immensité de l'univers. Et ça nous questionne en fait de nous voir tout petits et d'imaginer l'infiniment grand. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est par exemple votre grand-père, donc qui vous a initié à la connaissance un peu des étoiles. Lui, est-ce que vous savez pourquoi ça l'intéresse? Est-ce que c'était dans son métier ou c'était un hobby? Ou est-ce que des fois, par exemple, les pêcheurs ou les paysans, les fermiers, ils ont besoin un petit peu de connaître les étoiles et le cycle lunaire pour leur métier? Malheureusement, non, car je ne sais pas si c'était son hobby ou c'était, en tout cas, c'était pas son métier, mais c'était pas son hobby et je peux pas dire plus car ça fait longtemps que j'ai pas revu mon grand-père. Il habite dans un autre pays et j'ai quitté le pays et je suis pas retournée depuis longtemps. Là, moi, il me revient une légende amérindienne qui voudrait que les étoiles dans le ciel, en fait, ça vient selon eux, d'un moment où les Esquimaux étaient, donc une légende amérindienne du Canada, les Esquimaux avaient froid et ils ont demandé au corbeau d'aller chercher du feu. Et le corbeau a trouvé du feu, mais il en a mis partout dans le ciel. Et c'est ce qui a donné les étoiles. Donc ça, c'est une des histoires dont je me rappelle. Mais c'est vrai que depuis tous les temps et dans toutes les cultures, on a rêvé du ciel et des étoiles. Et si vous avez des histoires, je veux bien en entendre une. Non, j'ai pas vraiment des vidéos à propos des théories qui auraient pu provoquer le commencement, le tout début de l'univers. Celui qu'on connaît, c'est le Big Bang. Et après ça, je sais à peu près comment ça marche, comment les galaxies se créent et la suite. Mais le début, non, je peux pas dire. Comment le Big Bang, apparemment l'univers était comprimé et c'était une matière dense et quelque chose a provoqué son explosion. Ça a explosé et ensuite ça a fait de la matière et ensuite tout ce qu'il y a dans l'univers s'est étendu sur des kilomètres et des kilomètres sans limite. Ensuite, les galaxies sont créées. Et quand deux galaxies se rencontraient, ils se percutaient, ça devenait un seul. Du coup, il y a un trou noir secret et c'était tellement fort l'énergie que ça fait tourner et on a des étoiles, des planètes qui se créent autour. Je sais pas bien expliquer. Oui, voilà, c'est comme ça que le système solaire s'est créé. Je crois qu'il y a une théorie qui veut qu'avant le Big Bang, on ne sait pas s'il y avait un univers qui se rétrécissait et qui est revenu à un état de densité extrême avant de s'étendre à nouveau. Je pense, certaines théories qui parlent de ça. Donc le Big Bang n'est peut-être pas le début, mais juste un moment d'un cycle de contraction-expansion de l'univers. Et aussi, si c'est le cas, ça voudrait dire qu'à un moment donné, l'univers va arrêter de s'étendre et se remettre à se contracter. Mais bon, c'est des échelles de temps tellement grandes que notre Soleil, il aura déjà explosé bien longtemps avant, donc on n'a pas trop à s'inquiéter de la contraction de l'univers. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur peut-être des histoires de ce que... On n'a pas besoin d'être spécialiste d'astrologie, d'astronomie. On peut très bien avoir des expériences dans sa vie personnelle par rapport à sa perception du... Au revoir, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Et restez dans les étoiles. Non, mais c'est vrai que c'est quand même c'est assez intéressant parce que ça permet déjà de sortir un peu du cadre de pensée dans lequel on est souvent, en fait, de... penser à ce qu'on doit faire au quotidien, de comment les autres nous voient, de tout ça. Et en fait, de penser en termes d'énergie à une échelle aussi large, bon, déjà, ça nous rappelle que dans l'échelle du temps, finalement, notre vie a très peu d'importance. Donc, d'un côté, ça peut être hyper oppressant de se rendre compte à quel point on n'est rien là-dedans. Mais d'un autre côté, je me dis que ça peut être aussi un peu libérateur parce que tu te dis qu'en fait, toute la pression que tu te mets tous les jours, pourquoi tant, quoi ? Pourquoi se mettre autant de pression sur des choses à faire, des choses à effectuer, des choses à penser, même par rapport aux autres et peut-être, par contre, l'autre point là-dedans, ça pourrait aussi nous renvoyer à, en fait, du coup, on pourrait s'en foutre aussi de tout. C'est-à-dire en se disant que, tout ça continue sa marche avec ou sans nous. Tu vois, je pense à l'écologie, là, notamment, une discussion que j'ai eue avec un pote il y a pas longtemps qui disait, de toute façon, la nature, elle est jamais dans la continuité pure. Enfin, il y a des ruptures tout le temps, il y a des champs d'énergie qui se développent, qui s'ouvrent. Là, il y a une question écologique qui a peut-être été entraînée par nous, mais finalement, peu importe qu'on essaie de par là ou pas essaie de par là-dedans, c'est en train de se faire, ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'on veut arrêter là-dedans ? Enfin, tu vois, c'est assez difficile parce qu'il y a tout le sentiment d'impuissance qui peut aller avec et d'un autre côté, ça libère sur peut-être une ouverture sur ce qu'on voit pas d'habitude. Enfin, voilà, c'est très brouillon, mais ça me fait penser à ça. C'est sympa, c'est une dimension, en fait... un petit peu comme faire du yoga ou être zen, c'est-à-dire en fait en te concentrant sur l'univers, tu veux dire que tu tu cesses, tu déportes ton attention de petits détails de ta vie quotidienne sur un point de vue qui te permet de relativiser un petit peu les petites tracasseries du quotidien. C'est un peu ça que tu voulais dire ? Justement, voire même plus en fait, parce que moi j'ai du coup personnellement l'impression que ma vie elle est plutôt occupée par parce que je me mets certainement une pression pour changer plein de trucs dans le monde. Donc, en fait, mes tracas ils sont plutôt occupés par ça, voilà, par l'écologie, par la pauvreté, par la souffrance des autres, etc. Moins par des petits tracas quotidiens parce qu'en fait j'ai créé mon confort, donc enfin mon confort qui est très limité pour d'autres, mais voilà, j'ai à manger, j'ai un toit, j'ai de quoi m'habiller, j'ai de quoi me laver, enfin voilà, tout ça c'est les bases, je les ai donc. Ces tracas-là, c'est plus des tracas qui concernent le reste du monde. Mais c'est pour ça que je dis ça dans ce sens-là, où de penser plus grand, ça fait que même ces tracas-là, en fait, quand tu les penses dans des notions de rupture et de continuité, enfin, mais pas dans le sens où c'est ton action qui va forcément déterminer le reste, ça peut te rendre impuissant, mais je sais pas, en fait, du coup, ça peut être le grand vide aussi, quoi, parce que... Peut-être ça permet d'investir plus ce qu'on a envie d'investir en fait sur le moment que de se mettre la pression sur ce qu'on devrait investir. J'en sais rien. Alors, je pense que comme les gens, donc on a proposé un thème et ce qui est sorti c'était l'univers. Et comme les gens qui ont proposé ce thème ne sont plus là, on peut se considérer libre de changer de thème. Et là, moi, j'en verrai un qui est en fait, quand on est dans la recherche, quand on est scientifique, par exemple, sur le climat ou sur l'économie, et qu'on est au courant, au plus près de la dégradation de la situation, comment on fait pour garder le moral ? Ça, c'est un truc qui revient dans pas mal d'articles en ce moment, qui est comment rester en tant que scientifique concentré sur la nécessité de continuer à faire de la recherche et en quelque sorte rester optimiste sur la possibilité de changer les choses alors que tous les signes vont dans le sens contraire. Et comment on fait pour faire le deuil, par exemple, pour un écologiste de la forêt amazonienne qui a brûlé ou des koalas qui sont morts carbonisés en Australie, la barrière de corail qui fout le camp, la fonte de l'Antarctique ou de l'Arctique qui s'accélère, pour ceux qui étudient ça. Quand ça fait 20 ans que tu vas chercher des carottes de glace dans le Groenland et puis que là, ces temps-ci, tu vois que ben, c'est exponentiel, ça fond de plus en plus et tu vas faire ton petit rapport et puis tu vois que rien ne change. C'est pas évident, quoi. Et alors, j'ai regardé un article qui disait que, qui était intéressant parce que chaque chercheur proposait sa propre façon de se défendre par rapport à ça. Et certains, c'était de se battre encore plus fort, de militer encore plus, ou peut-être même d'arrêter le militantisme scientifique et de passer au militantisme politique pour donner plus de sens au sentiment d'inaction qu'ils perçoivent autour. D'autres, ça peut être de partir dans la brousse ou dans une forêt et de lâcher prise totalement et de se déconnecter avec leur activité scientifique pour essayer d'oublier tout ça. Et je suppose que donc ça m'inspire que peut-être chaque personne a sa propre méthode pour essayer de faire le deuil finalement de l'absence de résultats de nos approches quelque part. Quand tu es climatologue en ce moment, je veux dire, tu dois bien quand même te remettre un peu en question. Est-ce que ça sert à quelque chose d'étudier le climat alors qu'il se détraque et on peut rien y faire ? Que d'autres participent. En fait, moi, ce que ça me fait penser, ce que tu dis, c'est comme je pense que c'est assez propre à notre façon de réfléchir, parce qu'on va étudier un objet et quand cet objet va disparaître, on va craindre qu'il disparaisse. Mais tu vois, il y avait cet exemple qui était notamment avec l'Australie, là, ce qui s'est passé en Australie. Il y a quand même des peuples qui habitaient dans ces endroits-là qui ont brûlé, et en fait, eux ont beaucoup plus cette habitude de la perte et du déplacement et du fait de pas penser comme ça que tout est toujours continu et qu'on va. Donc, je pense que le mode de pensée scientifique, déjà, il nous met là-dedans. dans cette espèce de sensation de contrôle sur des objets et des choses qui vont durer et ce qu'on doit faire pour que ça dure ou pas, alors que peut-être que pour beaucoup d'autres peuples qui sont plus habitués à changer leur environnement quasiment au quotidien, mais parce que enfin, les feux ça existait aussi avant l'activité humaine, parce que peut y avoir plein d'éléments naturels qui vont faire que tu dois te déplacer à un moment et qu'il doit se passer d'autres choses. Et je me demande si en fait on n'a pas perdu un peu, nous occidentaux, cette capacité, ce qui s'appelle pour certains la résilience, je sais pas si c'est le meilleur terme, mais cette capacité de, bah, en fait tu perds quelque chose, tu te déplaces, tu vas vers autre chose qui arrive à ce moment-là, parce qu'on est beaucoup plus dans une continuité de vie, on va se projeter sur qu'est-ce qu'on fera nous dans 20 ans, alors là il y a la réforme des retraites, voilà, est-ce qu'on aura notre retraite, et c'est pas du tout le même mode de pensée en fait que quand t'habites un espace et que tu vas peut-être devoir partir quelques jours après parce que... il va y avoir un feu, il va y avoir autre chose. Je pense que cette problématique que posent les scientifiques et qu'on est beaucoup à se poser, c'est peut-être parce qu'on est un peu enfermé aussi dans cette façon de penser et qu'on n'est plus du tout adaptable, en fait. Je sais pas. Il y a quand même quelques scientifiques, il y a plus de 20 ans, enfin il y a 30 ans, qui, justement, n'observaient pas la nature dans un contrôle. Par exemple, je ne sais plus s'il s'appelle Jean-Yves ou Jacques-Yves Cousteau, déjà il a alerté avec sa Moco Cadiz, son immense bateau, et toute son équipe de scientifiques, il faisait beaucoup de prélèvements au pôle Nord. Et lui, en fait, il avait un discours très modeste où il s'incluait dans la nature, il disait bah, si on ne bouge pas maintenant, dans 30 ans, il annonçait déjà, il y a plus de 30 ans, il annonçait déjà ce qui arrive aujourd'hui. Et justement, je pense qu'il n'a peut-être pas été écouté, enfin c'est mon opinion, hein, je peux me tromper, mais je pense qu'il n'a pas été écouté parce qu'il ne s'est pas rangé du côté des politiques et que justement il avait cette démarche... de modestie, enfin comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on regarde les étoiles, on n'est pas grand-chose. Et voilà, lui, il était très réaliste. Enfin, ils étaient très réalistes, cette équipe. Ils ont fait le tour du monde, ils ont fait des prélèvements partout, et ça n'a jamais rien donné. Ça rejoint à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, on est nombreux à se poser aussi cette question de se dire à quoi ça sert toutes ces dépenses d'argent et de découvertes et d'apprentissage sur la faune et la flore pour finalement qu'une poignée d'êtres humains ait le pouvoir de s'approprier tout ça, en fait. Et je voulais juste rajouter un petit truc, c'est que par rapport à la description de cette dérision, enfin, que vous avez évoquée tous les deux, il y a en plus une troisième chose que je trouve encore plus dérisoire, c'est que parallèlement à l'affolement en fait, du dérèglement climatique et de toutes les forêts qui brûlent, les mers polluées, il y a quand même les grands stratèges dans le monde continuent quand même de guerroyer pour avoir les meilleurs satellites, pour la guerre des étoiles, pour s'approprier des découvertes d'une étoile. Et c'est ça que je trouve d'une grande absurdité, mais peut-être que je sais pas assez de choses peut-être là-dessus. Puis il y a aussi un aspect, je pense, qui change beaucoup d'aujourd'hui à peut-être il y a 10-20 ans. Je pense qu'il y a 20 ans, les gens justement avaient peut-être beaucoup plus confiance au gouvernement. Et peut-être avec la confiance au gouvernement, pensaient que le gouvernement allait faire ce qu'il fallait pour écologiquement construire, pas dans un mur comme on est aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, je pense aussi, ce qui a beaucoup changé, c'est que avec les gilets jaunes, avec plein de choses qui se passent depuis 4-5 ans un peu mondialement, en fait, les gens se sont rendus compte que bah, les politiques font rien et qu'aujourd'hui, bah, ça aide plutôt aux gens de bouger leur cul d'eux-mêmes et de faire eux-mêmes des... Faites que eux changent eux-mêmes et que ce soit par les politiques qu'on change écologiquement nos pratiques, mais que ce soit l'individualisme qui change les pratiques pour faire meilleur. Donc je pense que ça aussi, c'est un truc qu'il y a aussi à prendre en compte. Et je pense que comme ils attendaient peut-être le pouvoir qu'ils fassent des choses, peut-être que aussi les scientifiques avaient beaucoup plus d'espoir dans la chose, c'est-à-dire bon, les politiques vont changer. Et aujourd'hui, en fait, ils voient le désastre et au bout de 50 ans, ben, ils ont peut-être enfin pris conscience que politiquement, et qu'ils fassent quoi que ce soit, de toute façon, on sait où les politiques mettent l'argent et dans ce qu'ils veulent investir. Et que peut-être aujourd'hui, bah, avec le temps, oui, peut-être que les politiques dépriment peut-être un peu plus, parce que là, ils, en fait, ils se rendent compte que ce qu'ils font depuis 40 ans au niveau politique, qu'en fait, ça n'a rien changé au niveau du schéma politique mondial, et que en fait, là, on se rend compte que chacun, bah, on va prendre cher, et que le moment de prendre cher, c'est aussi bah, trouver nous-mêmes des solutions, et que ça, ça prend du temps, et que peut-être ça met ça automatiquement, ça aussi, ça nous tire de notre cadre de confort aussi. Ça nous oblige aussi à avoir de se retirer du cadre de confort, puisque si on veut changer, de toute façon, on pourra plus avoir le confort qu'on a aujourd'hui, c'est impossible. Donc, je pense qu'il y a aussi tous ces aspects-là à penser. Voilà. Ça m'inspire une question que moi j'aimerais bien poser, qui est: est-ce que le fait d'être actif dans un domaine, alors ça peut être un psychanalyste, un médecin, un climatologue, je prends des exemples au hasard, un primatologue, un mec qui bosse aux impôts, et que dans son activité on se rend compte que on continue son activité mais autour tout s'effondre. Est-ce qu'on finit pas par déprimer dans ces cas-là? Est-ce que c'est un motif de dépression? Est-ce que ça fait partie des causes de la dépression, le fait de continuer à faire la même chose, la même activité, mais qu'autour, la cohérence entre son activité et le monde autour disparaît? Ben, moi, ce que tu dis, en fait, ça m'inspire ce que dit Jacques Ellul par rapport à la technique, où lui, il dit que, en fait, dans la société technicienne, on a transféré le sacré qu'on avait auparavant auprès de la nature ou auprès des cultes, vers la technique. Et donc aujourd'hui, en fait, les gens en fait, disent « on trouvera une solution ». Ils font confiance à la technique. Et quand tu prends l'exemple de l'inspecteur des impôts qui voit tout s'effondrer autour de lui, ben, peut-être qu'inconsciemment dans son esprit, il se dit « oh mais plus tard, on trouvera une solution technique ». Parce qu'on a foi en la technique. Donc voilà un peu la réponse, je trouve que c'est assez pertinent. Et puis, juste ce que tu disais avant, quand tu disais pour qu'on change les choses, il faut que chacun accepte aussi de revenir sur son confort de vie personnel. Et ça, aujourd'hui, ben, c'est pareil. C'est ce que dit Jacques Ellul, c'est ce qu'il dit aussi. Il dit aujourd'hui, on n'a que des révoltes, on n'a pas de révolution. Parce que s'il devait y avoir une révolution, il faudrait que chacun accepte de modifier sa consommation, son confort de vie, en fait, d'accepter de revenir vers une forme d'ascétisme. Et ça, ça exige un effort qu'aujourd'hui, les citoyens n'ont pas forcément. Quoi. Donc, je vous rappelle que la parole est ouverte et nous avons lancé en fait un thème qui est venu du public et qui parlait de l'univers. On a parlé un peu de l'univers, de là on est passé au sentiment qu'ont les scientifiques qui étudient par exemple la nature ou le climat quand ils voient que leurs études ne servent à rien. Et maintenant, on en est où? Oui, effectivement. Là, moi, ce que tu viens de dire, ça m'inspire la question de la recherche scientifique et de sa confusion avec la technique. On parle maintenant de technoscience et plus de science tout court. Parce que justement, le financement de ces recherches, malheureusement, ont en grande partie été privatisé. Et donc, les financeurs de ces recherches décident de la finalité de ces recherches. Et donc, au lieu d'orienter justement ce que proposait Jacques Ellul, c'est d'orienter la technique et la science vers la satisfaction des besoins fondamentaux, elle est orientée plutôt vers, comme vous disiez tout à l'heure, l'appareil militaire, les machines de guerre, etc. Et voilà. Ouais, en fait, donc, par rapport à Jacques Ellul, je me demande un truc. Donc, si dans le cas où, par exemple, on a des armées, on a des ministères, on a des ingénieurs, on a des gens qui font des voitures, et tous ces gens-là, bah, finalement, on a envie qu'ils arrêtent leur activité parce que ça fait pas du bien à la planète. On doit attendre d'eux qu'ils s'arrêtent ou qu'ils prennent conscience que, en fait, leur job fait du mal à la planète, où on doit collectivement s'organiser pour que petit à petit ces jobs inutiles cessent, quoi. Moi, c'est un peu une question que je pose. Bah, j'irais tel que tel que le dérèglement climatique et tel que la situation aujourd'hui, l'écologie, je pense, faut l'imposer, parce qu'on peut plus, on peut plus demander aux gens de décider, et je pense que maintenant, faut passer à un stade où faut l'imposer, parce qu'on n'a plus trop le choix. Sinon, dans 40 ans, ou dans, rien que déjà dans 5-10 ans, ça va être catastrophique. Vu que déjà, rien que pour déjà sur la montée des eaux, avant, le chiffre qu'on sortait, c'est 2025. Là, on est déjà en 2020. 2025, je crois que je pense que ça va être même avant que ça va arriver, la montée des eaux. Je pense que ce sera beaucoup plus tôt que 2025. Et il y a déjà plein de chiffres comme, je sais pas, comme le permafrost qui devait fondre il y a 30-40 ans, qui est déjà en train de fondre aujourd'hui, donc il y a 40 ans d'avance. Et on sait déjà, rien que sur le permafrost, que quand le permafrost fond, généralement, c'est-à-dire que ça sent pas du tout bon du tout pour l'environnement global, puisque le permafrost c'est quand même la partie logiquement la plus froide. Les glaces les plus froides et qui ne doivent pas fondre. Logiquement, écologiquement, c'est des parties qui ne doivent pas fondre. Et aujourd'hui, c'est en train de fondre de façon très accélérée, de façon dramatique. Et donc, je pense qu'il faut l'imposer. Et après, peut-être sur les scientifiques, je pense qu'ils ont été utiles. Et je pense que, justement, tout ce qu'ils ont fait depuis 50 ans, en fait, je pense que, bon, déjà, on en a besoin pour vraiment comprendre comment changer et puis comprendre tous les mécanismes écologiques et comment tout marche ensemble, comment le comprendre. Je pense qu'on a besoin d'eux. Et voilà, je pense que c'est très utile ce qu'ils ont fait. Et que, justement, aujourd'hui, depuis des années et des années, de plus en plus de personnes, justement, se rendent compte de tout ce qui est fait et tout ce qu'il faut faire. Et que, là, au niveau de la masse de la population, c'est pas assez rapide, mais que malgré tout il y a quand même une prise de conscience collective, surtout sur les jeunes générations, où là c'est vraiment la prise de conscience est la plus élevée, où il y a plus d'augmentation là sur ce domaine là et du coup je pense que faut mieux maintenant taper aussi sur les jeunes dès l'école, c'est à dire leur apprendre un peu voilà ce que c'est que la terre, comment la cultiver, comment faire pour la cultiver correctement, comment sauvegarder nos sols, comment sauvegarder son environnement sans trop le défoncer. Et du coup, ça, je pense que bon, petit à petit, c'est fait, mais on va pas assez vite et c'est pas assez loin. Mais je pense que c'est aussi à chacun, aussi justement à chacun qui a pris conscience de ces phénomènes-là et de ces changements-là, aussi de son côté, d'aller voir les gens et de leur expliquer peut-être, de leur expliquer ce qu'on a compris, ce qui se passe, et de pouvoir les faire changer aussi. Pour petit à petit on plante des graines et que ça fasse vraiment un changement global et mondial écologique. Sur faut l'imposer. Moi ça me fait vachement flipper en fait parce que bon il y a notamment de la SF qui présente comme ça des scénarios dans lesquels il y a une dictature écologique. Et le problème de toute forme de choses imposées comme ça, c'est qu'on sait très bien que ceux qui décideront pour les autres le décideront d'abord pour eux. Donc si c'est imposé, je vois pas comment ça pourrait être imposé autrement que par un gouvernement, vu qu'actuellement c'est là où les lois sont décidées et où la plupart des choses peuvent être imposées aux autres. Donc moi ça me ferait vachement plus flipper en fait, parce qu'en plus, si on reste dans cette idée que... En fait, Quand je faisais la comparaison tout à l'heure avec des populations qui vont changer d'environnement en fonction de ce qui se passe, en fait, elles sont pas dans le contrôle de « j'adapte mon environnement à ce que je veux être et à ce que je veux faire ». Et moi, je me dis que même là, avec la science et tout ce qui nous a été avancé sur comment est-ce qu'on pourrait arranger les choses, en fait, on continuera d'apporter une empreinte toujours, toujours plus forte sur notre environnement. Donc, alors j'ai vu il n'y a pas longtemps le film « L'an zéro », où dedans c'est assez rigolo parce que c'est une personne au début qui décide de, enfin qui se dit que son train là qu'elle prend tous les jours à la même heure pour aller au même truc auquel elle a pas envie d'aller, un matin elle le prend plus tard, elle prend celui d'après. Et le lendemain, il y a une personne qui lui dit, je t'ai vu hier, t'as pas pris le même train. Et là l'autre lui dit ouais. Et l'autre lui demande, mais est-ce qu'aujourd'hui tu vas prendre le train? Et là l'autre lui répond, je sais pas. Et l'autre lui dit à ce moment-là, mais mais si on arrêtait tout. Et en fait, ça passe de personne à personne, parce que bon, c'est, je crois qu'il date de 72 le film, donc on n'est pas du tout sur le rapport médiatique, internet et tout actuel. Et de personne à personne, tout le monde se dit, en fait, à cette date-là, on arrête tout. Et on arrête tout, ça veut dire on arrête de travailler, ça veut dire on arrête, voilà, tout. On arrête tout. Chacun fait à ce moment-là, sort de chez lui, va discuter avec les autres, mais on arrête toutes les activités qu'on est en train de faire. Alors ce qui est rigolo, c'est que la police suit, enfin tout le monde suit en fait, parce que tout le monde se dit à ce moment-là, ouais, sans forcément se dire plus loin, mais ce jour-là, on arrête tout. Et en fait, comme ça leur plaît, ils continuent à tout arrêter, puis après ils se disent, bon, là, on a quand même des choses dont on a besoin. Donc on va regarder les entreprises qui nous étaient utiles pour relancer les industries dont on va avoir besoin. Et le film est assez bien fait, parce que quand on travaillait sur quelle société veut-on, on voit bien justement dans ce film qu'ils vont choisir par exemple une industrie, de la faire fonctionner pendant un mois dans l'année. Et en fait, il y a un moment, il y a une scène où quelqu'un va dans l'industrie parce qu'il a besoin de la faire fonctionner à ce moment-là. Donc il y a sur la porte une explication de comment ça fonctionne. Et donc n'importe qui peut rentrer et va voir si ceux qui ont plus d'expérience là-dedans, ils vont voir si tout est à jour. Donc souvent, ils retournent dans cette entreprise où ils ont travaillé pour refaire toutes les vérifications des machines, une fois par mois par exemple, et du coup, ils mettent la vérification est faite, vous pouvez l'utiliser. Et donc n'importe qui passant, du coup, voit le mode d'emploi pour utiliser les machines et va l'utiliser en fonction de ses besoins. Et c'est... Oui, c'est complètement utopique, mais en fait, ce truc qui est très différent de la réflexion là, qu'on aurait justement d'imposer l'écologie, ce serait qu'on obligerait les gens à agir, plutôt que... Ce que j'ai trouvé génial dans ce film, c'est qu'en fait, c'est plus il faut, on doit, c'est on arrête tout, et après, bon. C'est en fait, on arrête tout, on réfléchit, c'est ça le truc. On s'arrête, on réfléchit, on discute avec les autres, et à ce moment-là, arrive, après ce temps-là de réflexion, bon, bah, qu'est-ce qu'on remet en place ? Et voilà en fait, mais d'un autre côté, je suis pas sûre que dans la société, bon puis même à cette époque-là du film, hein, que dans la société dans laquelle on est maintenant, et c'est là où je disais tout à l'heure, je pense qu'on est vraiment pris dans ce sentiment de les choses doivent continuer, mais il y a la peur en fait derrière, je pense qu'on est pris par une peur immense de... Si on, enfin le vide quoi, si on s'arrête et qu'on fait pas les choses qu'on est habitué à faire, ben qu'est-ce qui se passe? Et comme on est habitué à tout contrôler à travers la science, à travers la technique et de plus en plus, enfin je veux dire, là je vais donner un autre exemple personnel qui me vient en tête, je me dis tiens si ça fait 5 jours que j'ai pas de réponse de cette personne là, peut-être qu'il... Alors que quand on réfléchit à d'autres moments, des personnes se rencontraient, se voyaient pas pendant 3 ans, puis en fait la personne devait venir là ce jour-là, bah, elle pouvait pas venir, bah, du coup se met... Hein. Bon, vous me direz, oui, ok, à ce moment-là on voyageait beaucoup moins aussi, on était beaucoup plus dans les petites communautés, il y avait les souffrances associées à ça, parce que le fait de moins sortir, de rencontrer moins de personnes, celles qui étaient pas bien dans leur environnement, elles avaient plus de mal à quitter, donc je suis pas en train de dire c'était mieux avant ou autre. Mais je pense qu'on est vraiment maintenant dans cette illusion de... Tout est contrôlable par la technique, par le reste, et donc, à partir de là, il faut encore que ce soit par le contrôle et par l'action qu'on va faire que ça aille mieux. Donc voilà, sur cette idée de « il faut l'imposer », je suis pas sûre. En même temps, je vois pas trop non plus comment les choses peuvent s'arrêter, en fait. Bon, certains disaient il y a pas très longtemps « faut commencer par faire exploser tous les data centers ». Parce qu'à partir de là, bah, toutes les transitions numériques, déjà, elles sont arrêtées, donc il n'y a plus de bourse, donc il n'y a plus de... Donc, ce qui fait que là, déjà, on a à peu près 80% limite de notre économie qui s'arrête. Donc, pour arrêter tout, ça peut peut-être être un commencement, mais je ne fais pas d'appel à je ne sais pas quoi, je pourrais avoir pas le droit. Enfin... Non, mais ça me paraît un thème très intéressant de savoir, en fait, dans quelle mesure les gens seraient prêts un jour à s'arrêter de fonctionner dans un système qui... Parce que si tu es un élément d'un système qui dysfonctionne et que toi-même, tu continues à fonctionner en synergie avec ce système qui dysfonctionne, forcément, et que tout le monde fait ça, il y a vraiment... Alors après, moi, je te rejoins sur le fait qu'on ne peut pas imposer... alors après, il y a quoi comme possibilité donc, dans ce film dont tu nous parles? Ce qui me paraît mystérieux, c'est pourquoi tout d'un coup, un jour, serait dans l'air le fait que on peut s'arrêter. Et je pensais, pendant que tu disais ça, est-ce que ça pourrait être un programme politique? C'est-à-dire, est-ce qu'un homme politique pourrait arriver et dire « Mon programme, c'est que si je suis élu, on arrête tout. » C'est pas mal. Au moins, c'est facile à exposer comme programme politique. Si vous votez pour moi, le jour où je suis élu, on arrête tout et on recommence à réfléchir comment on va s'organiser différemment. C'est, tu vois, le programme est hyper simple, quoi. Votez pour moi et on arrête tout. C'est... En fait, dans ce film, ça m'a fait penser un peu à l'effet papillon, c'est une idée. En fait, cette personne-là, ce jour-là, d'ailleurs, c'est même pas elle qui elle s'est pas dit maintenant j'arrête tout. C'est. Elle se dit là, je prends l'autre train. Et quelqu'un ne l'a vu pas prendre ce train. Et cette personne-là, du coup, a cette idée de. Mais si on ne prenait pas le train aujourd'hui ? Et en fait, ils en discutent avec d'autres qui disent ben ouais, mais pourquoi en fait ? Bah. Là, je vais le prendre. Et puis ça se discute en fait, mais parce qu'on n'est pas sur les mêmes modes d'information maintenant. Alors ça pourrait être un événement Facebook, tu vois, ça pourrait rire. Mais beaucoup le tentent. Mais je pense que. Il y a une idée qui a émergé à ce moment-là qui s'est. C'est un film utopique. Hein, et par contre, si, l'autre truc, c'est qu'il y a une chose qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui ne voudraient pas que les choses s'arrêtent, qui sont bien dans la façon dont ça fonctionne. Et il n'y a pas que parce qu'elles croient être dans un confort et qu'elles croient qu'elles vont bien. Non, elles vont vraiment. Enfin, ça leur plaît ce fonctionnement-là. Et elles s'y retrouvent. Et donc, je pense qu'il faut aussi prendre ça en compte, quoi. Par exemple, quand on regarde Pôle emploi, la plupart des jobs qui sont proposés, c'est informaticien. Et s'il y a une crise énergétique dans pas longtemps, ou que quelqu'un fait exploser des data centers, tous ces millions d'informaticiens qu'on est en train de former vont tout d'un coup se mettre à servir à rien, quoi. C'est-à-dire qu'on aura formé des cerveaux dans des activités qui finalement deviennent obsolètes à partir du moment où il n'y a plus d'énergie. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir d'essayer d'imaginer dans un monde qui aurait déjà décru, où on serait en train de reconstruire à partir d'activités beaucoup plus modestes, quelles seraient les activités techniques et scientifiques les plus utiles et comment elles s'exprimeraient. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des ordinateurs et au lieu d'utiliser tout un tas de robots, est-ce qu'on reviendrait à des maréchals ferrants, genre le gars qui sait utiliser un marteau qui sait plier le métal, qui sait faire des engins, soit pour l'agriculture ou quelqu'un qui sait se démerder un peu comme ça avec tout, plutôt qu'un ingénieur surspécialisé dans l'aéronautique. Je suppose que dans le monde de demain, on aura plus besoin de quelqu'un qui est capable de résoudre un problème d'agriculture ou un problème de transport écologique ou des choses comme ça. Donc, quelles seraient les capacités à développer pour un monde qui aurait sérieusement déjà qui serait déjà sérieusement passé par la décroissance et où on serait revenu à plus de modestie, quoi. Ouais. Moi, alors par rapport à la peur, tout à l'heure, Adèle évoquait la question de la peur. La peur du changement. Donc là, je reviens encore à Ellul, hein, désolé. Lui, ce qu'il dit, c'est exactement ça. Il dit, en fait, les gens, ils ont peur de la liberté. Il dit, en fait, on parle toujours de la liberté, mais lui distingue la liberté prétexte de la liberté réelle. Il dit, en fait, quand on parle de... En fait, les gens, pour lui, sont beaucoup plus attachés au confort et à la sécurité et au bonheur qu'à la liberté. Et donc, c'est pour ça, comme tu disais, quand on est installé dans un confort matériel, ben, même s'il y a des choses qui ne vont pas, ben, on n'a pas forcément envie de perdre ça pour avoir une liberté, mais qui serait qu'aura un coût physique, sensible, important, et même psychologique. Et donc du coup, voilà ce que lui dit. Et par rapport aussi à l'idée qu'on arrête tout demain, je pensais à la voiture. Jacques Lul, il prend l'exemple de la voiture et dit, regardez les voitures. Au début, on pensait que les voitures, c'était juste un instrument pour se déplacer plus vite. Mais il dit ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a construit les villes en fonction, enfin, pour les voitures. Et donc, du coup, aujourd'hui, si tu habites loin de ton travail et que tu n'as pas de transport en commun, tu ne peux pas dire, demain, j'arrête la voiture, parce que tout a été conçu pour que tu sois obligé de prendre la voiture. Et donc, c'est pour ça que lui, il dit que l'homme est devenu aliéné à la technique. Et qu'en fait, c'est plus la technique qui travaille pour l'homme, mais c'est l'homme qui devient au service de la technique. Et donc, en ce sens, on a une double problématique. L'adaptation n'est plus le fait de se dire, en fait, l'homme doit s'adapter à l'environnement naturel, mais l'homme doit s'adapter à l'environnement technique. Donc là, c'est une aliénation nouvelle, en fait. Et donc, pour pouvoir se libérer, il faudrait d'une part modifier notre environnement technique pour revenir à un environnement, on dirait, naturel, et ensuite, éventuellement, nous adapter à cet environnement naturel. Donc, il faudrait deux émancipations, en fait. Et par contre, sur l'idée de tout arrêter, moi je pensais justement aux actions sociales comme les grèves, etc. Et peut-être que, par exemple, d'arrêter de consommer un produit bien ciblé pour détruire une multinationale, par exemple, ça c'est un truc, je pense que ça, peut-être que ça a de l'avenir. Parce que le problème, c'est que les gens aussi, ils ont peur. Ils ont peur de s'engager, de faire des manifs, de se faire taper. Donc si tu dis, par exemple, tiens, à partir de telle date, on arrête de consommer tel truc, même les gens qui ont peur, qui sont chez eux, bah, ils peuvent le faire, parce que du coup, ils prennent aucun risque. Tu vois, et donc ils sont pas ciblés, ils sont pas identifiables, etc. Donc ça peut être une nouvelle forme de voilà. Voilà, donc si quelqu'un veut prendre la parole sur cette thématique qu'on a improvisée, ou sinon, bah, si personne ne veut prendre la parole, c'est l'heure de l'intervention suivante. Donc